Question 9. La signalisation indique une interdiction de dépasser, sauf les véhicules lents. Réponse A. Une vitesse limitée sur 600 mètres. Réponse B. Un cassis ou dos d'âne. Réponse C.